La peau de l'ours. Comme il fait chaud ce matin de début juillet, notre fille grimpe allègrement la pente assez raide qui mène à Marcelin, l'école où elle vient de terminer la partie théorique de son apprentissage et de passer avec succès ses examens. Nous la suivons, un peu moins vite avec nos quelques 35 ans et quelques kilos de plus qu'elle. Aujourd'hui, nous sommes invités à la remise des diplômes, les promotions comme on dit chez nous. Cela devrait être l'affaire de quelques minutes, mais elle semblait tenir à ce que nous soyons là. Et honnêtement, je suis heureuse de pouvoir participer à son bonheur en compagnie de mon cher et tendre. Ainsi sera close une étape importante de cette aventure qui aura vu la naissance, la lente transformation en chrysalide, puis l'éclosion de ce joli papillon, ma fille, 19 ans dans quelques jours. Tout le monde est là pour l'accueillir. Ses maîtresses d'apprentissage, le directeur de l'institution et ses plus fidèles amis. Ce petit monde étant déjà installé, nous nous trouvons une place, mon époux et moi, sur la mezzanine qui surplombe l'estrade. Très vite, notre protégé nous quitte pour rejoindre ses condisciples. Commence alors un long moment du discours informatif, mais néanmoins incontournable. Un peu astreignant, c'est vrai, mais ne sommes-nous pas là pour ça? Et voilà que tout à coup, après avoir appelé jusqu'alors chaque élève séparément, la maîtresse de cérémonie fait monter sur la petite estrade les trois classes de la promotion qui nous intéressent. Un peu coincées, les jeunes filles. Elles doivent bien être une soixantaine, et la mienne, à qui j'ai suggéré de mettre une petite veste rouge sur sa jolie robe bois de rose, explose littéralement au milieu de ses consoeurs, tel un coquelicot dans un champ de blé. Je ne vois qu'elle. En deux temps, trois mouvements, ces demoiselles se voient décerner le précieux passeport attestant du succès de leurs trois années d'études. Indispensable accessite à un début de vie professionnelle prometteur. Plus besoin pour nous de nous inquiéter de la recherche d'un emploi. Avant même de recevoir son diplôme, ma fille a choisi le sien parmi les deux places qui lui ont été proposées. Je suis sûre que si on lui avait décrit cela 4 ans plus tôt, alors qu'elle se trouvait en situation d'échec évidente, elle nous aurait amèrement ri au nez. Allons-nous enfin être relaxés et libres de nous mettre en route vers un restaurant ou fêter ce succès en toute quiétude? Jalouse de notre intimité, j'ai désiré et obtenu que nous soyons exceptionnellement seuls avec elle. J'ai envie que nous puissions partager une sorte de bilan de ces trois dernières années et savourer ce succès en toute intimité avec elle, ma fille. Ma fille que soudain, on rappelle sur l'estrade. Toute seule, cette fois. Et c'est bien d'elle que l'on parle maintenant quand on dit qu'elle est si serviable, si aimable, si ponctuelle, si responsable. Dont on dit qu'elle n'est jamais avare d'un sourire ou d'une parole gentille et qu'elle n'a jamais manqué un seul cours pendant ses 3 ans de scolarité. Et pour toutes ces choses, la voilà qui reçoit un superbe prix sous les flashs et les applaudissements. Comme les autres, je me suis levée pour applaudir, toute surprise soudain par mes larmes qui jaillissent intempestivement et mes genoux qui se mettent à trembler indépendamment de ma volonté. Et le passé ressurgit. Je revis les plus pénibles étapes de ma vie jusqu'à ce funeste 31 janvier 1990. La mort de mon premier enfant si longtemps désiré, atteint d'une cruelle maladie génétique. Mes vaines tentatives pour sortir de la dépression qui s'ensuivit, et la plongée sans espoir de retour dans une situation d'alcoolisme déjà bien amorcée par des années d'amertume et de frustration. Avec, par-dessus tout, la certitude d'un avenir inutile, emmuré, inéluctable, impitoyable. À 34 ans, touchant le fond de mon désespoir, j'avais décidé de mettre un terme à mes souffrances. On achève bien les chevaux. Je n'avais plus rien à perdre. Mon mariage n'avait pas survécu non plus à la tragédie. 400 benzodiazépines, 9 jours de coma et 2 mois de clinique. Et puis, il me fallut bien me résoudre à l'évidence. Si moi, j'avais cru en finir avec elle, la vie, elle, n'en avait pas, et de loin, fini avec moi. 4 ans et un nouveau mari plus tard, paraissait cet enfant miracle qui se trouve là, aujourd'hui, toute seule sur son estrade et qu'on applaudit à grands cris. Tu vois, t'as bien fait de me faire confiance. Tu ne le regrettes pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui a dit ça? Épilogue. Bien sûr, l'histoire pourrait s'écrire de mille et une manières. Chacun de nos actes a des conséquences que nous ne contrôlons pas forcément et qui pour la plupart nous dépassent. Pourquoi je suis en vie malgré tout? Pourquoi, quoi que je fasse, je ne contrôle rien? Il est plus facile aussi de réfléchir ainsi quand tout se passe bien, quand la vie est belle, que dans le cas contraire. Si, mais, on est un couillon, me serine mon cher et tendre. Mais je poursuis in petto. Si je ne m'étais pas ratée, je n'aurais pas rencontré mon second mari, puis enfanté ma fille. Je n'aurais pas rencontré mon troisième mari, enfanté notre fils, puis connu ce bonheur si parfait d'aujourd'hui. Mais pour l'heure, partie depuis peu à la découverte de moi-même, terrain d'exploration passionnant s'il en est, je suis heureuse d'avoir pu vivre des expériences aussi riches. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.